13,7 milliards d'années naissait notre univers dans le Big Bang. 300 millions d'années plus tard s'allumaient les premières étoiles, puis les premières galaxies se formèrent, notre Voie lactée. Il y a 12 milliards d'années et notre Soleil n'apparut qu'il y a 4,6 milliards d'années. Nous sommes en quelque sorte des petits jeunes dans notre voisinage. De nouveaux arrivants, on a longtemps pensé que nous étions le produit de Coatlicue, une supernova alentour qui aboutit à la naissance du Soleil, mais une théorie récente remet en cause cette hypothèse. Alors, d'où venons-nous? Comment notre système s'est-il formé? Et quelle est l'histoire de sa naissance? Origine du système solaire, une histoire nébuleuse, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter cette genèse, celle de nos origines, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Bibring. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique à l'Université Paris-Sud, centre scientifique d'Orsay et astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale. Bonjour Marc Chaussidon. Bonjour. Vous êtes ingénieur géologue, directeur de recherche CNRS, actuellement détaché à la direction de l'Institut de physique du globe à Paris. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes et en complément sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, ce qu'il faut peut-être dire pour commencer cette émission, avant de rentrer dans les détails de la formation de ce système solaire, c'est que ce modèle de formation est un modèle qui n'a cessé d'être ébranlé par l'observation des autres systèmes et que on se rend compte finalement depuis assez peu de temps que notre système solaire est plutôt un système planétaire atypique, Jean-Pierre Bibring. Il est atypique en sens où plus on observe les autres systèmes, et maintenant on a la capacité non seulement de voir le nôtre, mais d'en voir d'autres, on s'aperçoit que le nôtre est différent des autres, mais non pas que les autres seraient tous les mêmes, c'est que le nôtre est différent des autres qui eux-mêmes présentent un énorme degré de diversité. Et ce qui est remarquable, c'est que ça se passe depuis une vingtaine d'années, c'est à peu près depuis le même temps qu'on s'aperçoit que dans notre propre système, les planètes elles-mêmes présentent des degrés de diversité auxquels personne ne pouvait songer avant qu'on aille explorer tout cela. Donc on se retrouve actuellement avec cette double diversité, diversité des planètes dans notre propre système, diversité de notre système dans les systèmes stellaires qui jonchent la galaxie, diversité vraisemblablement à bien plus grande échelle encore. La diversité est vraiment le maître mot, je pense, de ce que l'exploration contemporaine est en train de montrer. Marc Chaussidon, sur ce côté atypique de notre système, et finalement, est-ce qu'on peut parler d'un système typique ou d'un système modèle, vu ces observations d'exosystèmes depuis 20 ans? Non, évidemment, on aurait tendance à vouloir considérer notre système comme un modèle, mais ça n'a pas de sens, en fait, évidemment. Et donc, on observe de plus en plus, en plus des systèmes planétaires, des étoiles jeunes en train de se former. Et donc, on voit les étapes dont on avait des idées à partir de ce qu'on observe dans notre système solaire et de ce qu'on peut reconstruire. On les voit aujourd'hui, on voit des étoiles en train de se former avec des disques en train de se construire autour d'elles et d'évoluer. Donc, on a, en fait, pas un modèle standard, mais on a toute une série d'exemples auxquels on peut comparer notre système solaire. Est-ce que aujourd'hui on a trouvé des exemples proches de ce qui est la formation de notre système solaire? C'est l'histoire que nous allons raconter au cours de cette heure. Oui, on a des exemples proches et on arrive à faire la connexion entre notre système solaire et ces exemples parce qu'on a la chance d'avoir dans notre système solaire des fossiles des tout premiers temps de sa formation, qui sont les météorites, qui sont des échantillons qui sont formés au tout début de cette formation, avant les planètes en fait. Alors on va en raconter l'histoire de cette formation, reprendre le fil de cette histoire, le fil que j'ai esquissé dans la présentation. Donc il y a 4,6 milliards d'années, au commencement était non pas le verbe, mais un nuage d'hydrogène et d'hélium, Jean-Pierre Bibring, c'est ce qui nous compose tous, la base de ce qui a fait oui, la suite que, de ce système. À grande échelle, on voit bien quels sont les constituants qui dominent dans la galaxie et dans l'univers en manière générale, donc l'hydrogène de très loin, puis d'autres éléments qui ont été formés dans les étoiles au cours de leur évolution, et comme vous l'avez dit, c'est bien parce qu'on n'est pas une étoile de première génération qu'on est là pour en parler, puisque tous les éléments qui nous constituent, autres que l'hydrogène, ont été faits par et dans des étoiles avant même que le Soleil n'apparaisse et que les planètes n'apparaissent. Mais ce dont on va parler, je pense, aujourd'hui, c'est que quand on regarde ailleurs, on voit bien sûr des processus qui ressemblent au processus que l'on croit avoir été opérant pour notre propre système. D'ailleurs, votre question, c'est ça qu'elle disait. Est-ce que l'on trouve ailleurs des choses qui ressembleraient suffisamment pour qu'on puisse penser qu'un système équivalent au nôtre est en train de se former ailleurs? Je pense que, mais bon, peut-être que c'est très controversé, comme on dit, et c'est la direction dans laquelle, en tout cas, personnellement, j'évolue. Je pense que, oui, bien sûr, les processus en tant que tels se retrouvent partout. C'est-à-dire que l'effondrement d'un nuage va donner naissance à une ou deux étoiles et des planètes autour. Ça, quelque part, c'est pas nouveau comme idée. Ce qui est important, c'est de le vérifier, de le confirmer. Mais plus on rentre dans ce qui est à l'origine de la diversité dont je parlais tout à l'heure, plus on s'aperçoit que ce ne sont pas tant les processus en tant que tels qui sont importants, c'est la forme très particulière qu'ils peuvent prendre. Qu'un nuage s'effondre pour donner naissance et qu'il y ait une chimie particulière qui prenne place dedans, on en est maintenant convaincu. Est-ce que ça veut dire que la chimie qui a, par exemple, caractérisé l'évolution de notre propre disque, qui a conduit ensuite aux composés organiques et ensuite à la vie sur Terre, est-ce que ces mêmes processus ont conduit au même mélange moléculaire, à la même chimie qui aurait pu conduire ailleurs à la même évolution des planètes et en particulier aux vivants? Ça, c'est une toute autre question. Et je crois que plus on avance dans la compréhension des processus, plus on s'aperçoit que oui, effectivement, comme ça a été dit depuis, je dirais, des millénaires quasiment, les mêmes processus opèrent partout dans l'espace. Les mêmes lois, comme on le dit depuis le XVIIe siècle, sont opérantes dans l'espace. Mais les lois ne font que structurer une évolution, c'est pas eux qui déterminent l'évolution. L'évolution, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas uniquement faite des lois, c'est la manière dont, à l'intérieur de ces lois, les processus peuvent évoluer. C'est les formes que prennent les processus les plus importants. Et c'est là-dessus qu'il y a, depuis quelques années, on va dire 10-20 ans, énormément de progrès qui ont été faits pour la compréhension de ce qui a conduit dans notre propre système, à la diversité des mondes planétaires tels qu'on le voit. Il y a un certain nombre de processus comme la migration planétaire, les impacts géants, toutes ces choses-là, qui sont en tant que tels des processus génériques, on peut le dire, vont prendre des formes contingentes qui ont, eux, été fondamentaux pour entraîner ce type de diversité que l'on a. Un mot sur ce que vient de dire Jean-Pierre Bibring. Effectivement, on a des points de comparaison. On se rend compte que si les mécaniques sont les mêmes, elles produisent des résultats, effectivement, très divers. Il y a eu pendant longtemps, Marc Chaussidon, deux grandes hypothèses sur la formation en astrophysique de notre système. Une hypothèse catastrophiste et une hypothèse plus optimiste, entre guillemets. Oui, donc ces deux hypothèses viennent en fait d'une partie de ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est-à-dire l'origine des éléments chimiques et en fait l'observation que dans les échantillons les plus anciens qu'on ait du système solaire, on a trouvé des excès d'un certain nombre d'éléments radioactifs qui sont des éléments à courte période et qui donc en fait se détruisent très vite. Et le fait qu'on les trouve dans ces échantillons veut dire qu'ils ont été produits par des étoiles en fin de vie, juste avant la formation du système solaire. Et ainsi, on a fait la liaison pour dire que l'instabilité qui pouvait avoir déclenché l'effondrement d'un nuage moléculaire, un mélange de gaz et de poussière, en équilibre entre sa gravité et la température qu'il fait se détendre, pouvait être l'onde de choc créée par l'explosion d'une supernova, par exemple. Mais en fait, tous les travaux qui ont été faits récemment ont consisté à essayer d'affiner les mesures de les concentrations de ces éléments radioactifs à courte période dans les météorites et d'essayer de voir, raffiner les modèles pour les taux de production de ces éléments dans différents types d'étoiles et d'essayer d'accommoder ensemble ces différentes concentrations parce que ces éléments ne sont pas produits par les mêmes étoiles. Donc il faut arriver à trouver le juste mélange entre ces différentes sources et donc on peut arriver à certains modèles qui disent qu'ils vont vers l'existence d'une supernova qui produit l'essentiel de ces éléments, mais on doit trouver un certain nombre d'astuces pour accommoder les autres abondances et d'autres modèles qui font appel à d'autres types d'étoiles. Pour faire ça. Oui, puisque on peut rappeler que la masse de l'étoile détermine le type de réaction qui se passe en son sein et donc le type d'élément créé, que une supernova de 30 fois la masse solaire n'est pas la même qu'une supernova de 15 fois la masse Exactement. Solaire. Peut-être un mot, l'un ou l'autre, d'ailleurs Marc Chaussidon ou Jean-Pierre Bibring, je le disais, hein, la Voie lactée 12 milliards d'années, le Soleil 4,6, ce nuage de gaz, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un nuage de gaz qui s'est déplacé dans la galaxie, qui s'est contracté très légèrement pendant tout ce temps-là, est-ce qu'il s'est formé au fur et à mesure? La proto-histoire du système solaire, quelle est-elle, Jean-Pierre Bibring? Alors, d'une part, ce que vous disiez avant sur l'idée qu'il y a eu pendant très longtemps deux grands modèles catastrophistes et nébuleuses, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que ce n'est que récemment qu'on a pu trancher, en fait. L'hypothèse catastrophiste, dont on sait qu'en France, c'est Buffon qui a été un porteur depuis plusieurs siècles, qui prétendait effectivement que les planètes ont été formées d'une manière discrète, les unes après les autres, et non pas les unes en même temps que les autres. Essentiellement, à l'époque, il pensait que c'était d'éjection du Soleil qui tournait en vide sur lui-même, éjectait des morceaux qui se condensaient, ça donnait des planètes, était basé sur le fait qu'on n'avait aucun aucun moyen de mesurer l'âge de ces objets-là. Et c'est vrai que c'est essentiellement l'arrivée des échantillons lunaires et tout ce que ça a forcé comme technologie avancée pour mesurer des âges précis qui ont permis, avec l'école dont Marc fait partie, de mesurer très précisément l'âge et montrer que tous les éléments du système solaire auxquels on a accès, les météorites, la Terre évidemment, la Lune, tous les échantillons ont exactement le même âge, à très peu près, le très peu voulant dire que tout ne s'est pas formé exactement au même moment, mais à partir de ce que l'autre thèse propose, à savoir que c'est une, ce qu'on appelait la nébuleuse, un même nuage qui, en s'effondrant, a donné naissance au Soleil au centre et aux planètes autour. Bien sûr, cet effondrement a pris un certain temps, quelques millions d'années, qui par rapport à 4,6 milliards n'est pas grand, mais dont on peut même apprécier le montant réel. C'est extraordinaire. Les technologies des années 70 déjà le permettaient. Donc, ces deux grandes théories qui existaient ont convergé vers une seule, finalement, qui est celle que on dit souvent Kant et Laplace, mais d'autres ont proposé au 18e puis 19e siècle. Donc ça, c'était un progrès considérable. Mais à nouveau, il faut faire attention au sens que ce n'est pas parce qu'il y a une homogénéité du processus, quand on dit une nébuleuse qui s'effondre va donner naissance à une étoile et des planètes, que toute nébuleuse s'effondrant va donner naissance à la même étoile et aux mêmes planètes. C'est un processus, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui est générique, trivial, de ce que l'on trouve partout et de ce qui est particulier. Effectivement, on s'aperçoit, quand on regarde la Voie lactée, hein, le soir, loin des villes, hélas, mais on voit des zones sombres. Il faut bien se rendre compte que les zones sombres, c'est pas des zones où il n'y a pas de matière, c'est au contraire des zones où il y a tellement de matière qu'on ne voit pas les étoiles qui sont derrière. Ce sont des nuages qui sont en train de s'effondrer et qui vont donner, et qui pour certains ont déjà, sont en train de donner naissance à des systèmes comme le nôtre. Mais le comme est à feu et fallacieux quelque part. Ce sont des systèmes au sens où, effectivement, la notion de système est importante. C'est le même effondrement qui donne naissance à une étoile et des planètes. Mais on pourrait aller même plus lentement là-dessus. Qu'est-ce qui fait cette différence et d'où vient même cette notion de planète ? Les planètes, leur nom l'indique, ont été repérées par leur mouvement. C'est-à-dire que tous les soirs à la même heure, les étoiles sont à la même position. Il y a des objets qui se déplacent par rapport à ça. Et c'est ça que veut dire planète. Et donc c'est par leur mouvement qu'on a mis en évidence ces objets-là. Et c'est longuement après, avec Copernic, Giordano Bruno, Galilée, etc., qu'on s'est aperçu que le mouvement est capital. Et c'est de là qu'on a compris que rien ne tourne autour de la Terre, mais qu'il faut que tout tourne autour du centre de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire du Soleil. Mais le balancier est parti peut-être trop loin dans l'autre sens, parce que d'abord, c'est pas vrai que les planètes tournent autour des étoiles. Planètes et étoiles tournent autour du même centre de gravité du système. Il n'y a pas de centre là-dedans, bien sûr. Et cette notion de mouvement a oblitéré complètement ce qui fait justement l'origine de la diversité que l'on voit aujourd'hui. Parce qu'il a fallu expliquer que le Soleil était au centre depuis cette crique, il faut bien se rendre compte que c'était réellement tellement hérétique que certains en sont morts, donc Giordano Bruno. Notamment. Il a fallu instruire ce procès-là pendant des siècles. La physique a instruit ce procès-là. Et le balancier est tombé de l'autre côté. C'est-à-dire que finalement, le Soleil serait responsable de tout. Et la diversité planétaire ne serait que le résultat de la taille des objets et de leur distance à l'étoile. Ce n'est pas le cas, comme ce à quoi faisait allusion Marc il y a quelques instants. Les sources d'énergie sont autres, pour l'essentiel. L'essentiel de ce qui fait que la planète Terre, par exemple, est une planète active, n'a rien à voir avec l'existence du Soleil. C'est les sources d'énergie internes qui peuvent être la gravité d'une part et la radioactivité surtout. Eh bien, ces sources d'énergie, elles vont être dispersées d'une manière différente selon les objets, selon la taille des objets, selon l'histoire des objets. Et plus on va dans la compréhension de ce que sont les moteurs de l'évolution, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses banales, génériques, qu'on retrouve partout, l'effondrement d'un objet qui va donner naissance à un système, mais qu'à l'intérieur de système, la manière très particulière que les objets vont avoir d'évoluer va donner la diversité que l'on observe. Alors on va essayer de comprendre précisément ce qui fait la diversité de ce système qui est le nôtre. On en était justement à ce nuage d'hydrogène et d'hélium. Il faut toujours, Marc Chaussidon, une étincelle pour provoquer un effondrement. Parce qu'on sait qu'il y a un effondrement systémique qui se passe à très très petite, à très bas bruit, mais est-ce que le nuage peut s'effondrer tout seul ou est-ce qu'il faut forcément quelque chose qui provoque, qui accélère cet effondrement ? On considère qu'il faut un déclencheur, essayer de trouver une manière de faire une concentration de masse à un endroit qui fasse que la gravité l'emporte sur la dilatation thermique de ce gaz et que ça s'effondre. Il y a différentes manières de le faire. Effectivement, l'explosion d'une étoile massive peut, avec son onde de choc, créer cet effondrement, le passage d'une étoile à côté, à proximité du nuage ou d'autres choses. Donc, il faut imaginer ces nuages comme étant en équilibre très subtil et tournant un tout petit peu sur eux-mêmes. Et l'effondrement ensuite, une fois qu'il est déclenché, va extrêmement vite et peut, on parle ici de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'années, créer une masse suffisante pour que l'hydrogène atteigne une température suffisante à ce que les premières réactions nucléaires s'enclenchent et que l'étoile naisse. De fusion. Un mot, il y a eu beaucoup d'enseignements tirés de l'étude d'une chondrite carbonée, hein, d'une météorite découverte au Mexique en 1969. Allende, oui. Voilà, la météorite d'Allende qui nous a appris beaucoup de choses précisément sur cette origine. Cette météorite avait la propriété de contenir à l'intérieur des objets qui étaient assez gros, hein, de taille millimétrique et qui étaient facilement reconnaissables parce que c'était blanc, disons, sur le noir de la météorite. Et on s'est rendu compte, en fait, en les étudiant, qu'on appelle ces objets des inclusions réfractaires, c'est-à-dire sont constitués de minéraux qui ne sont stables qu'à très haute température. Et c'est ce qui a donné l'idée, en fait, même si l'idée pouvait déjà exister, que on partait à un moment ou à un autre, on passait par un stade où on avait un gaz très chaud, chauffé par le rayonnement du soleil et par l'énergie due à l'effondrement gravitaire, et que ce gaz, en s'écartant du soleil, se refroidissait et donc se condensait à partir de ce gaz des minéraux. Et si ces minéraux se condensaient à très haute température, ils étaient réfractaires. Et dans ce modèle-là, évidemment, les premiers minéraux que l'on condense sont les plus réfractaires à plus haute température, et c'est en datant ces minéraux qu'on peut s'approcher sans doute le mieux de l'âge du système solaire, parce qu'on a ici, on peut dater les premiers grains formés dans le système solaire. En l'occurrence, on parle d'aluminium 26, surtout. Alors, l'aluminium et le carbone, et le calcium, pardon. Oui, on peut faire à la fois des datations en utilisant l'aluminium 26, qui est une radioactivité éteinte, qui a une demi-vie de 0,7 millions d'années, et qui se désintègre pour donner un isotope fixe dont on mesure la concentration, et en mesurant cette concentration, on peut retourner à la concentration initiale, mais ça nous permet juste de caler les échantillons les uns entre les autres, mais ça ne donne pas un âge absolu. L'âge absolu, on l'obtient en mesurant des radioactivités à longue période. Donc en fait, le système uranium-plomb, deux isotopes de l'uranium qui donnent deux isotopes du plomb. Et c'est avec ça qu'on a trouvé cet âge qui est facile à retenir. C'est un chiffre un peu magique de 4,5, 6, 7 milliards d'années pour le système solaire. Plus ou moins encore un 2 ou 3 sur le cinquième chiffre, ce qui paraît absolument incroyable, mais c'est le niveau de précision des mesures actuelles. Un mot, Jean-Pierre Biebring, à quel moment cette hypothèse, cette théorie d'une supernova que l'on aurait, d'une étoile qu'on a appelée Coatlicue, en hommage à la divinité aztèque qui est la mère du soleil, cette hypothèse, elle se généralise, elle devient solide à partir de quand ? Je dois dire que, quelque part, j'ai grandi avec cette idée-là, parce que les premières mesures qui ont été faites juste après le retour des échantillons lunaires par les mêmes qui avaient des techniques qui permettaient de mesurer ça et qui ont proposé ça, c'est un groupe de Chicago, ça date typiquement de 72-73, c'est après l'arrivée de cette météorite Allende dont Marc vient de parler. Et donc, dans toutes ces années 70, on a été baigné par cette idée-là qu'il y avait des grains, peut-être d'ailleurs des grains présolaires, mais en tout cas des grains qui montraient quelque part il y a eu une supernova probablement qui était responsable de ça, parce que on avait à l'intérieur de ces grains des éléments qui ne pouvaient avoir été fabriqués que dans l'atmosphère d'une étoile autre que le Soleil, pour des raisons effectivement nucléaires. Et ce n'est que récemment que d'autres hypothèses sont venues pour éventuellement modifier un petit peu ça, mais c'était quelque chose de réellement révolutionnaire, au sens où tout d'un coup on s'apercevait qu'on pouvait montrer que la nébuleuse n'avait pas été homogénéisée, qu'il y avait des grains formés avant dans l'enveloppe d'une supernova et qui avait été injecté dans notre système. Et tout d'un coup devenait clair sur beaucoup de mesures. Ça expliquait énormément de choses. Alors ensuite, il y a eu quelques autres propositions de fait, mais qui quelque part reviennent un peu à la même chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément une supernova, mais cette idée qu'effectivement, le soleil n'est pas né tout seul, que le soleil est né dans un environnement, que quand un nuage s'effondre, c'est pas une seule étoile, c'est un ensemble d'étoiles qui se forment. Et on le sait depuis maintenant longtemps, plus les étoiles sont massives, plus elles évoluent vite. Et quand elles sont très massives, elles évoluent tellement vite qu'en quelques millions d'années, elles vont jusqu'à se détruire elles-mêmes, exploser, les supernovae, mais d'autres le font aussi. Et donc on s'aperçoit qu'en quelques millions d'années, une étoile peut naître et aller jusqu'à son explosion avant même que notre propre soleil, dans ce même nuage, ait pu commencer à s'effondrer. Jusqu'à l'idée que c'est peut-être justement l'explosion d'une étoile de ce type-là avant qui a même entraîné, déclenché la fabrication de notre propre nébuleuse solaire. Et même sur cette hypothèse, hein, de la supernova de Coatlicue, il y a eu des corrections. Il y a une étude qui date de 2016 qui montre qu'il a corrigé sévèrement, hein, la taille hypothétique de cette étoile. On pensait qu'elle faisait 30 masses solaires. On l'a rétrogradée à 12 masses solaires seulement. C'est un changement de taille, hein, parce que une étoile se comporte pas de la même façon qu'elle fasse 30 ou 12 masses solaires, évidemment. Alors, il faut prendre tous ces résultats avec des pincettes, entre guillemets, parce que tous ces résultats reposent sur des modélisations, en fait, de la production de ces éléments radioactifs dans ces supernovas. On connaît très bien les taux de production, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu un jeu d'équilibriste. Il faut expliquer à la fois l'aluminium 26, qui est une de ces radioactivités éteintes, mais aussi d'autres isotopes radioactifs à courte période, comme le calcium 41, le fer 60, et ainsi de suite. Et en fait, la nature n'est pas très gentille avec nous, parce que les abondances de ces éléments entre elles ne correspondent pas au taux de production de ces supernovas. Donc on arrive à des modèles où on éjecte qu'une seule partie de la supernova, une enveloppe, une zone interne, parce que dans cette zone on a les bonnes abondances, et on arrive à des modèles qui sont un peu ad hoc pour expliquer ce qu'on voit dans le système solaire, et qui peuvent être faibles de ce point de vue-là, parce qu'ils donnent l'impression qu'on arrive à expliquer les observations du système solaire par des paramètres qui sont un peu particuliers. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h21. Vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des origines de notre système solaire tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Pierre Bibring et de Marc Chaussidon. Une étude publiée le 22 décembre dernier, justement, relève un de ces problèmes d'isotopie que vous signaliez à l'instant, Marc Chaussidon. Cette étude a été publiée dans The Astrophysical Journal et elle note l'absence d'un élément crucial qui aurait dû être présent en cas d'explosion de supernova à proximité d'un nuage moléculaire géant. C'est l'absence de fer 60. Le fer 60, vous me disiez avant que débute cette émission que c'est une hypothèse qui a été avancée depuis un certain temps. Il y a eu beaucoup de résultats dans les 10 dernières années, dans un sens et dans l'autre, pour arriver actuellement à une idée à peu près qui fait consensus sur l'abondance du fer 60, qui est très faible. Et donc la quantité qu'on trouve actuellement est à la limite entre ce qui peut s'expliquer par ce que l'on appelle le bruit de fond galactique, c'est-à-dire la concentration à l'équilibre du fer 60 dans les nuages moléculaires. On arrive à un équilibre parce que le fer 60 est produit par les étoiles, mais comme c'est un élément radioactif, il se désintègre très vite et très rapidement, il a une concentration à l'équilibre, on arrive à ce qu'on appelle un état stationnaire. Donc les concentrations qu'on reconstitue pour le début du système solaire sont très proches de cet état stationnaire, et donc en fait, il y a toute une discussion pour savoir si elle nécessite ou pas l'ajout d'une quantité supplémentaire par une étoile de type Wolf-Rayet, par exemple, qui pourrait l'expliquer. Eh bien, c'est cette hypothèse-là que nous allons essayer de chercher à comprendre. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé enquêter au Centre spatial nucléaire et sciences de la matière de l'Université Paris-Sud. Oui, l'hypothèse dont vous parliez postule la venue d'une étoile fugueuse, une étoile de type Wolf-Rayet, qui serait venue au sein de la nébuleuse solaire, un événement qui serait déterminant pour la suite, car l'étoile aurait apporté avec elle de l'aluminium 26, un élément chimique crucial pour la formation des planètes a posteriori. Je suis donc allée voir Nicolas Desserville, Vincent Tatichev et Jean Duprat, qui eux travaillent sur des micrométéorites et dont l'étude pourrait confirmer ce nouveau scénario. La matière extraterrestre, il y a une partie d'entre elles qui a gardé la mémoire de la matière à partir de laquelle s'est formée notre étoile et les planètes qui ensuite vont l'entourer. Et donc, lorsqu'on étudie ces météorites, ou des petites poussières aussi, certaines d'entre elles donc n'ont pas trop changé depuis 4,5 milliards d'années, et donc elles contiennent des phases qui ont condensé dans le disque protoplanétaire, dans le disque qui préexistait et qui a ensuite formé les planètes. C'est dans ces phases, donc qu'on appelle des phases réfractaires, on retrouve, et c'était une surprise, c'est-à-dire c'est un problème depuis les années 70, ça, on retrouve des traces, il y avait des radioactivités dedans, des noyaux radioactifs dont la durée de vie est faible par rapport aux échelles de temps. C'est-à-dire c'est en gros millions d'années, moins d'un million d'années, ce qui est très court à l'échelle où nous parlons. Donc voilà, maintenant la question qui est posée, c'est de savoir d'où viennent ces radioactivités. Notamment on parle de l'aluminium qui serait venu enrichir nébuleuse qui précédait le système solaire et qui serait vraiment spécifique à notre système. Voilà, l'aluminium 26, c'est le noyau qui pose un problème là, c'est que ce noyau donc a une durée de vie courte à l'échelle dont on parle et il est présent dans des quantités qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on pourrait envisager d'un milieu normal. Alors pour résoudre ce problème, finalement, il a fallu établir d'autres hypothèses, d'autres scénarios. Quel est le scénario que vous aviez postulé il y a quelques années déjà ? Alors Vincent Tatichev, comme Jean le disait, il faut comprendre quelle est la source stellaire, l'étoile qui a apporté de l'aluminium 26 au Soleil au moment où il s'est formé. Et donc on a proposé que pourrait s'agir d'une étoile donc de type Wolfrayet. C'est une étoile très massive qui perd beaucoup de vent enrichi en aluminium 26, mais une étoile Wolfrayet fugueuse qui se serait échappée de son amas d'étoiles pour venir directement interagir avec un nuage moléculaire. Et donc on a calculé dans cette interaction combien d'aluminium 26 pourrait être injecté dans le nuage moléculaire. Je suis Nicolas de Serréville, je travaille à l'IPN d'Orsay. Donc quelque chose qu'il faut peut-être mentionner rapidement, c'est que cette quantité d'aluminium 26, un des paramètres importants, est la probabilité d'interaction des noyaux que l'on mesure auprès d'accélérateurs de particules comme on en a ici. Et c'est la décroissance gamma de l'aluminium 26 en aluminium 26 a été cartographiée par le satellite CGRO. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mesurer ce taux de radioactivité qui a été émis à Exactement. Ces époques-là. Puis on a une cartographie dans la galaxie de la présence d'aluminium 26 à travers sa décroissance gamma. Ce qui est intéressant, c'est que la quantité d'aluminium 26 dans ces régions d'étoiles massives est inférieure à la quantité d'aluminium 26 que l'on observe dans le jeune système solaire, ce qui pose la question, en tout cas, ce qui indique que la formation de notre système solaire est assez particulière. Effectivement, au-delà d'essayer de comprendre l'origine de ces noyaux, la question qui est posée, c'est de savoir est-ce que le contexte général de naissance du système solaire est quelque chose qu'on pourrait qualifier de générique ? Est-ce que c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de particulier. Alors maintenant, toute la question est de savoir combien c'est particulier. Et ça, on ne sait pas pour l'instant. Là, on est dans la salle blanche. Là. Donc là, ce que vous voyez, en gros, c'est la collection Concordia, parce qu'elle vient de la station franco-italienne Antarctique. Et là, vous voyez tous les petits porte-échantillons avec tous les grains de la collection. Ici, vous avez des bancs d'analyse où on peut faire une première caractérisation des grains. Dans la paillasse qui est là-bas, où en fait on ouvre des filtres où on a les grains parce qu'on les obtient par filtration de neige et ensuite on les manipule avec les pinceaux que vous voyez là. On a des micro-manipulateurs là qui permettent de descendre à manipuler des poussières extrêmement petites. L'enjeu par rapport à ça, on connaît en fait la teneur en aluminium 26 dans les phases réfractaires des météorites. Les météorites, la plupart d'entre elles, viennent de la ceinture d'astéroïdes. Donc en fait, en gros, on a des bonnes contraintes sur la teneur en aluminium 26 dans la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire dans le système solaire interne. Et là, nous, on sait qu'il y a une partie de nos poussières qui sont clairement d'origine cométaire. C'est d'ailleurs l'un des enjeux principaux des recherches sur ces poussières-là. Et donc là, la question qui se pose, c'est quelle était la teneur en aluminium 26 dans le réservoir cométaire ? C'est fondamental si jamais on veut essayer de comprendre. Est-ce que la teneur en aluminium 26 était homogène ? Alors ça peut paraître un détail, est-ce qu'elle était homogène ou pas ? En fait, c'est très très important parce que c'est une condition essentielle pour pouvoir bâtir une chronologie isotopique. Si l'isotope radioactif n'était pas dans une distribution homogène spatialement, à ce moment-là, vous ne pouvez rien dire sur la chronologie que vous pouvez faire avec, parce que le réservoir de départ n'était pas homogène. Donc là, il y a une question très très importante. Donc c'est encore une question qui est débattue, mais bon, voilà, pour l'instant, beaucoup de gens partent avec l'hypothèse de l'homogénéité, qui n'est pas déraisonnable. Mais bon, pour ça, il faut encore apporter des contraintes, voilà. Voilà le reportage de Céline Lausanne sur ces micro-météorites et sur ces problèmes isotopiques qui ne font pas l'unanimité. Marc Chaussidon, vous étiez un peu dubitatif, me disiez-vous, sur cette théorie du fer 60. Non, pas dubitatif, mais c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, comme je le disais, et moi-même personnellement, sur les quantités réelles de fer 60 que l'on peut reconstruire dans les météorites. Donc c'est quelque chose qui est difficile, qui est à la limite de ce que l'on peut mesurer. Et comme je vous le disais, la quantité qu'on a actuellement pour le fer 60 est quand même très très faible. Voilà. Par contre, l'aluminium 26 est absolument indiscutable et il y a effectivement plusieurs origines possibles pour l'aluminium 26 et il y a différents types de modèles. Donc celui de l'étoile Wolfrayet peut expliquer cet aluminium 26, mais il y en a aussi d'autres. C'est tout ce qui fait l'intérêt de ces travaux et le fait que ces travaux sont très actifs parce que la réponse définitive, je ne sais pas si on l'aura un jour, mais elle est difficile à avoir. Qu'est-ce qui pourrait permettre de discriminer une théorie contre l'autre, Jean-Pierre Biori ? Il faut vraiment demander à Marc, c'est lui l'homme du Fer 60. C'est l'homme du Fer 60. Non, pas du Fer 60. Non. Non, mais justement, il y a... En fait, ce qu'il y a actuellement, ce qui est en train de se passer depuis une quinzaine d'années, c'est qu'en fait, il y a des progrès qui sont faits à la fois en astrophysique, en modélisation, en observation, et ce qu'on appelle en cosmochimie, c'est-à-dire l'analyse isotopique des météorites et de la minéralogie des météorites, qui arrive en fait à un niveau où on a maintenant la possibilité d'observer la même chose pour le système solaire à partir de météorites et pour le milieu interstellaire, les nuages moléculaires à partir des observations astrophysiques. Et donc il y a de plus en plus, et c'est le cas à l'Institut de physique du globe, d'équipes qui sont en train de se constituer, qui mélangent ces deux types d'approches. Et c'est ça qui est en train, à mon avis, d'apporter des avancées et qui, dans les années qui viennent, va apporter de grandes avancées. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de modéliser ab initio, si vous voulez, la formation du système solaire, l'effondrement de nuages, la création d'un disque, pour essayer de voir si on reproduit les observations que l'on a dans les météorites. Et ainsi, on pourra, par exemple, répondre à ce que Jean Duprat mentionnait dans le reportage, c'est-à-dire est-ce que l'on est capable de produire une distribution homogène de l'aluminium 26 dans le disque ou pas, ce genre de questions. On a à la fois des observations maintenant qui permettent de nous dire quel était le cas dans le système solaire, et on pourra, à partir de modèles, voir quelles sont les prédictions que l'on peut faire dans l'effondrement d'un nuage dans différentes conditions, et voir quelle est la situation astrophysique qui correspond à ce que l'on observe dans le système solaire. Jean-Pierre Dubring, tout de même, votre réaction à cette, cette diversité d'origine voilà, de notre système solaire. Je trouve que le débat, et c'est vrai que ce reportage était très bon pour cela, montre que... On va revenir peut-être après sur des processus plus récents, je dirais, qui ont très fortement contraint l'évolution, en particulier de la Terre, de Mars, et qui expliquent beaucoup de choses qui sont actuellement des faits marquants, en particulier l'existence de l'eau, par exemple, sur la Terre. Mmh. Mais ce dont on prend conscience maintenant, c'est que même avant tout cela, dans les processus qui ont vraiment marqué l'effondrement, il y a une multitude d'autres, de sous-processus, comme par exemple la venue d'une étoile particulière, la manière dont ces produits se sont ou ne sont pas mélangés d'une manière très isotrope, homogène, a été une clé pour façonner l'évolution de ce système. Et c'est ça que je trouve très important. Alors, bien sûr, ce qu'on n'a pas encore fait, peut-être, ce qui n'était pas présent ici, c'était le lien entre l'homogénéité ou pas, par exemple, de l'aluminium 26 et un effet possible sur l'évolution après. Ce qui n'a pas été dit là, mais je pense que tous les auditeurs le savent, pourquoi on parle de l'aluminium 26 comme un des ingrédients importants, c'est que, Marc l'a dit, l'aluminium 26 se transforme en magnésium 26 en un peu moins d'un million d'années, ce qui veut dire que dans les premiers temps qui se mesurent en millions d'années, cette transformation-là était la source d'énergie principale à l'intérieur des grains eux-mêmes. Et maintenant que l'on sait que ce sont les grains qui étaient présents là, qui non seulement sont accrétés pour former des planètes, mais qui en particulier ont conduit à des formes chimiques, et on l'a vu avec Rosetta et Philae, des grains entièrement carbonés avec des macromolécules. Et on sait bien que pour faire cette chimie-là, il faut de l'énergie. Quelles étaient les sources d'énergie? Il y a du rayonnement cosmique, qui probablement n'était pas homogène non plus du reste, mais il y a aussi cette source d'énergie par aluminium, et en fonction de la teneur en aluminium présente dans notre système par rapport à ce qui est dans d'autres systèmes ou à l'intérieur de notre système d'un endroit à l'autre, on va s'apercevoir que certaines macromolécules ont pu ou n'ont pas pu se former et qu'une grande partie de ce qui ont été les ingrédients de ce qui a conduit à l'évolution du vivant a été formée précisément dans ces conditions-là. Donc, même à ce niveau-là, les ingrédients primordiaux, avant même que les constituants protoplanétaires existent, on s'aperçoit de la diversité des possibles. V838 de Christophe Dalsasso sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque nous parlons de la formation de notre système solaire à partir d'une débuleuse de gaz jusqu'à la forme qu'il a aujourd'hui. Nous en parlons avec Jean-Pierre Bibring, qui est professeur de physique à l'université Paris Sud, au centre scientifique d'Orsay et astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale, et avec Marc Chaussidon, ingénieur géologue, directeur de recherche CNRS, actuellement détaché à la direction de l'Institut de physique du globe de Paris. On va avancer un peu dans notre histoire de ce système solaire. Maintenant que nous avons notre étoile ou notre proto-étoile il y a 4,6 milliards d'années, reste à ajouter les planètes pour faire le beau système que nous connaissons. Et il va falloir un peu de temps et pas mal d'énergie, comme vous le disiez à l'instant, Jean-Pierre Bibring. Comment évolue le système dans ces premiers millions d'années, justement? Il évolue assez rapidement. Alors là aussi, il y a des progrès considérables qui ont été faits ces dernières années. Peut-être qu'il faut ramener les progrès qu'on a sur le système solaire à la découverte des exoplanètes qui nous ont appris énormément de choses. Cette histoire d'exoplanètes, le fait qu'il y ait des planètes autour des autres étoiles, c'est une histoire qui, comme hypothèse, est très ancienne. Dans l'Antiquité déjà, il y a des gens qui ont proposé qu'il y ait des planètes autour des étoiles. Puis ensuite, ça s'est construit au cours du temps. Donc, de ce point de vue-là, ce qui s'est passé il y a 20 ans, lorsque pour la première fois on a identifié, indirectement, mais on a identifié des exoplanètes, ça a eu deux effets. Le premier effet, peut-être que les gens considèrent comme le plus important, bien sûr, c'est que ça confirme cette hypothèse. Et c'est vrai que d'une hypothèse à une vérification expérimentale, il y a une étape absolument fondamentale. Mais de mon point de vue, c'est pas le plus important. Parce qu'à nouveau, oui, ben voilà, il y a des étoiles qui se forment, et autour des étoiles, le même processus qu'on imaginait va former des planètes. Le plus important pour moi, c'est que à peu près aucun des systèmes que l'on découvre ne correspond à ce qu'on aurait imaginé devoir ou pouvoir découvrir. C'est à nouveau ce degré de diversité. En particulier, on avait une idée relativement simple pour expliquer pourquoi les planètes internes, nos quatre planètes internes, telluriques comme on dit, sont rocheuses avec très peu d'atmosphère, alors que les planètes externes sont essentiellement de l'atmosphère. Bien sûr, s'il y a une grosse atmosphère, c'est qu'il y a un gros noyau au centre qui est même plus gros que nos propres planètes. Mais on pouvait expliquer cela par le fait que justement, pour que ces planètes puissent accréter beaucoup de gaz, eh bien, il faut qu'elles aient un gros noyau. Et pour qu'ils aient un gros noyau, avant que tout le gaz n'ait disparu par l'apparition du Soleil, eh bien, il faut que ce noyau grossisse très très vite. Et pour qu'il se grossisse vite, il faut qu'il se fasse loin. Pourquoi ? Parce que plus on est loin, plus il fait froid. Et s'il fait froid, tous les composants volatiles sont stockés sous forme de glace. Et il y a tellement de composés volatiles que tout d'un coup, ce noyau qui va incorporer des glaces en même temps que des silicates va pouvoir grossir et acquérir. Voilà. Et donc, on avait toujours expliqué simplement que Jupiter, Saturne sont à l'extérieur et que nos planètes internes sont à l'intérieur. Et patatrac, au-delà de la limite de glace d'ailleurs. Au-delà de ce qu'on appelle la limite de formation, de stabilité de la glace. Et la première d'abord, puis les premières planètes que l'on découvre autour des autres étoiles sont précisément des planètes de la taille ou à peu près de Jupiter, mais tellement proches de leur étoile. La première, elle est 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Bien sûr, à cette distance-là, la glace n'est pas stable. Et donc tout d'un coup, on se dit, il y a un truc qui ne va pas là. Comment se fait-il que précisément l'hypothèse de base que l'on avait, à savoir qu'une planète géante doit se former loin, on les trouve très près. Et l'idée qui a sorti tout d'un coup, qui a émergé, est d'ailleurs une idée dont je dirais qu'on aurait pu l'avoir avant, parce que lorsqu'on a observé les anneaux de Saturne avec la sonde Voyager en 80, on aurait déjà pu voir ça parce que le processus était déjà là. L'idée, c'est qu'effectivement, les planètes que l'on découvre, les exoplanètes que l'on découvre, on ne les découvre pas là où elles sont formées. Entre le moment où elles sont formées et le moment où l'on observe, elles se sont déplacées, elles ont migré, comme on dit. Et cette théorie de la migration, qui maintenant est une théorie extrêmement importante, et alors elle n'a pas jailli du néant parce qu'à nouveau, la théorie était bien prête quelque part, mais elle n'avait jamais été proposée comme expliquant l'évolution du système solaire. Et ça, c'était basé sur quelque part un paradigme qui a été très difficile à bousculer, qui était que l'attraction gravitationnelle entre les planètes, elle s'effectue essentiellement entre les planètes et le Soleil ou l'étoile, mais on a oublié qu'il y a un troisième composant très important qui est le matériau du disque lui-même. Et tant qu'il y a un disque présent là, avant que le disque ait disparu, chassé par l'étoile centrale, un disque protoplanétaire, eh bien, le disque voilà, de la nébuleuse qui, à force de tourner, devient un disque, mais ça c'est un processus simple, c'est ce disque qui va interagir avec les planètes vont interagir avec le disque en créant des festons essentiellement, qui fait que cette interaction va faire se déplacer les planètes elles-mêmes, surtout les planètes massives. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y a un processus simple qui rend compte du fait que les planètes géantes se déplacent vers l'intérieur comme vers l'extérieur, et qu'en général, c'est vers l'intérieur. Mais là, tout d'un coup, on s'est dit quelque chose d'incroyable, qui est que se passe-t-il lorsqu'une planète géante migrent comme ça vers l'intérieur. On s'aperçoit que si la migration, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais n'a pas démarré tout de suite, eh bien essentiellement cette migration va se traduire par le vidage, le nettoyage du disque. Et si la planète géante va suffisamment près de l'étoile, il ne reste plus rien pour fabriquer ni la ceinture des astéroïdes comme on l'a chez nous, ni surtout les planètes internes, les planètes telluriques. Et donc tout d'un coup se pose la question de savoir, est-ce que le fait qu'on soit là, nous, aujourd'hui, est dû au fait que Jupiter et Saturne sont restés à l'extérieur? Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait quelque chose de tout à fait différent des autres alors qu'on voit cette migration, un processus générique, réellement, au sens premier du terme, tout le monde? Ou est-ce que, et c'est ça que le fameux groupe de Nice, nos collègues Morbidelli est en tête, et c'est les gens qui ont travaillé avec lui, ont proposé un modèle qui est tout à fait remarquable, qui dit non, notre système aussi a été soumis à une migration, mais chaque migration est particulière, particulière de la manière dont notre disque est fait, de la manière dont notre disque se comporte, et que dans notre cas, on a une migration et ils ont pu retracer par modèle le type de migration très particulière qui a façonné complètement l'évolution du système solaire. Ce qui est rigolo, c'est que c'est parti sur l'idée que lorsqu'on regarde les tailles relatives des quatre planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, on s'aperçoit qu'il y a une anomalie. L'anomalie, c'est que si ces planètes s'étaient formées dans un disque homogène, Mars devrait être plus gros que la Terre, alors il est 10 fois plus petit que la Terre. Et pour expliquer ça, la plupart des gens ont dit « bon, voilà, c'est comme ça ». Ils ont dit « non, si c'est comme ça, ça traduit quelque chose d'important ». Et l'idée de base, c'est que pour fabriquer les planètes dans la bonne distribution en taille, nos quatre planètes, il faut que cette accrétion se soit faite à partir d'un disque confiné à peu près en dessous de ce qu'est l'orbite de la Terre aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on montrait dans ce modèle du grand tac, qui veut dire le virement de bord, nos collègues de Nice, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une possibilité, c'est pas le seul le modèle qui explique ça, mais c'est une des possibilités qui, de mon point de vue, est très exemplaire et illustratrice de ce que je disais entre la générosité et la contingence. Jupiter, effectivement, dès qu'il s'est formé, a dû migrer vers l'intérieur. Mais il n'a pas migré jusqu'au Soleil, sinon on ne serait pas là pour en parler. À un moment donné, il a été rattrapé par Saturne, qui formait plus tard, l'a rattrapé, est arrivé, comme on dit en physique, en résonance 2-3, ce qui veut dire que Saturne faisait 2 tours lorsque Jupiter en faisait 3. Et quand un système se bloque comme ça, il y a quelque chose qui se passe, l'amplitude augmente, c'est pour ça qu'on peut régler nos postes de télé et de radio sur une certaine fréquence. Et dans la configuration, à cause du rapport de masse, et ça je trouve le plus incroyable, c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui fait dans cette configuration-là, ce rapport de masse fait qu'une fois bloqué dans cette résonance, Jupiter étant à peu près au niveau de l'orbite de la Terre, de Mars actuelle, pardon. 1,5 UA. Voilà, à peu près au niveau de Mars actuellement, voilà, et Saturne un peu plus loin. La migration se refait vers l'extérieur et tout d'un coup, Jupiter et Saturne repartent vers l'extérieur. Il y a un effet, une sorte d'effet boomerang en fait. Voilà. C'est Saturne qui réattire par effet de résonance vers l'extérieur. Oui, qui bloque le système, ça repart l'extérieur, et ça laisse un disque qui va donner les quatre planètes comme ça. Pourquoi c'est tout à fait important? Ça montre que la migration est bien un processus générique, partout il y en a, mais partout différente. Et qu'il suffit d'une petite différence dans la manière dont le disque est fait, la distribution en taille à l'intérieur de ça, le moment où Saturne va démarrer sa migration, le moment où il va arrêter rejoindre Jupiter, Saturne aurait été un peu plus massif qu'il ne l'est, il aurait été vers l'intérieur, il n'aurait pas pu bloquer Jupiter, les deux auraient été vers l'intérieur. Saturne aurait été moins massif qu'il n'est, il n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer. Dans tous ces cas, on n'aurait pas été là. Le rapport de masse a fait la... Eh bien, bien sûr, on peut imaginer tous les rapports de masse possibles, tous les dynamiques possibles. On est le résultat de cela. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un grand dessin et quelqu'un qui a décidé que... Non, on est dans un des possibles. Et tous les autres possibles sont ceux qu'on découvre avec les milliers d'exoplanètes que l'on voit aujourd'hui. Marc Chaussidon, c'est intéressant parce que ce grand tac qui fait aujourd'hui une forme d'unanimité sur les premiers moments du système solaire, donc sur ce modèle qu'on appelle Jupiter First, c'est-à-dire que Jupiter s'est créé en premier et que ça explique par cascade ce que vient d'expliquer brillamment Jean-Pierre Bibring, ça a permis de comprendre pourquoi on ne se retrouve pas avec ce qu'on observe par ailleurs très souvent, c'est-à-dire des super-terres très proches du Soleil, des planètes telluriques plus grosses. Il y a eu un effet un peu chasse-neige dans ce mouvement de boomerang que vient d'expliquer Jean-Pierre Bibring. Oui, c'est ça. Donc ça peut expliquer beaucoup de choses qui sont évidemment le fait que Mars ait une taille plus petite que ce que l'on pouvait croire, mais ça explique aussi, quand on regarde plus dans le détail, on peut arriver derrière ça à expliquer des détails sur la composition chimique des planètes, par exemple. Parce qu'on se rend compte que ce modèle, en fait, crée un mélange à très grande échelle dans le disque entre des planétésimaux qui sont formés près du Soleil, qui ont une certaine composition, et d'autres qui sont formés plus loin du Soleil, qui sont riches en éléments volatiles, en eau et en glace. Mmh. Et même si on n'a pas forcément besoin de ça, mais on a par exemple, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, mais la Terre actuellement, enfin la position de la Terre est à un endroit dans le disque où l'eau était sous forme de vapeur. Or, on a des océans sur Terre, et donc il faut bien, normalement la Terre ne devrait pas contenir d'eau, et donc il faut pouvoir amener de l'eau sur la Terre. La manière d'amener de l'eau, c'est d'amener un objet qui contient de la glace et par un impact. Donc c'est la manière, c'est d'amener un objet qui vient de l'extérieur du système solaire. Le grand AC permet ce genre de choses, permet de peupler la zone interne du disque par des objets qui peuvent être riches en eau et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées par ce modèle. Parce que ce grand AC, Jean-Pierre Bibring, il rebat les cartes et justement la composition du disque protoplanétaire à plein d'endroits, comme vient de le dire Marc Chaussidon. Il explique aussi précisément la composition de la ceinture d'astéroïdes. Il explique le fait que ces comètes très froides et pleines de glace se soient rapprochées du Soleil dans la traînée du mouvement de Jupiter et Saturne. Oui, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus que la dynamique primordiale du système solaire... Le système solaire s'est pas formé en un instant. C'était ça le grand problème. On pensait que l'évolution, il y a les conditions initiales, un instant, on prend un objet, on le jette et tout d'un coup, tout est tracé. Non. L'histoire du système solaire, c'est une succession de processus qui sont échelonnés sur des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions d'années. Et ça a commencé, on commence à caractériser ces processus-là. La migration en est un. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette migration, on s'est aperçu qu'il a fallu beaucoup de turbulences, qu'on a repeuplé la ceinture des astéroïdes parce qu'effectivement, toute la zone entre essentiellement la ligne de glace et l'orbite actuelle de la Terre ont été vidées par le mouvement de Jupiter et de Saturne. Il a fallu reconstituer tout cela, mais reconstituer avec des grains de l'intérieur qui ont été vers l'extérieur, des grains de l'extérieur venant à l'intérieur. Et ça reprend d'ailleurs, on retrouve comme ça ce que l'on voit dans les familles d'astéroïdes eux-mêmes, à savoir que les plus proches de nous sont plutôt proches de matière rocheuse et les plus éloignés proches de matière volatile qui provient de l'extérieur. Donc on comprend cette dynamique qui vient là. Mais pour prolonger ce que disait Marc peut-être à propos de l'eau sur Terre, on voit bien que l'eau sur Terre, il faut l'amener de l'extérieur. Mmh. Et donc, probablement, elle est venue pendant l'accrétion elle-même, dans cette turbulence. Mais ça fait pas encore les océans. Alors peut-être que Marc veut dire un mot tout de suite, oui, et je reviendrai sur les océans sûr. Après. Et puis on va parler du grand bombardement tardif aussi, qui est une autre conséquence de ce grand AC. Pour continuer sur ce que disait Jean-Pierre, en fait, tout ce qui fait la difficulté, c'est que pour retracer la formation du système solaire, c'est qu'il y a des processus à la fois très primitifs qui se sont passés tout au début, qui, pendant les premiers 100 milliers d'années, quelques centaines de milliers d'années, premiers millions d'années, ont forgé la composition de ces petits objets que sont les planétésimaux et les premières planètes qui sont formées toutes pendant les... Et ensuite, les planétésimaux étant l'accrétion, les premières accrétions de la taille de la Lune ou de Mars, c'est des petites dessous, planètes. Même une centaine de kilomètres, un millier de kilomètres. Enfin, il faut passer du gaz, on fabrique des solides. Ces solides, ces grains micrométriques, nanométriques s'agglomèrent entre eux, fabriquent des petits objets, les planétésimaux, qui ensuite vont fabriquer des embryons. La physique est différente et ces embryons planétaires, Mars est un exemple d'embryon planétaire qui n'est pas allé plus loin, vont subir entre eux des très grandes collisions qui vont produire des planètes. En gros, en simplifiant, il faut 10 embryons de la taille de Mars pour fabriquer une planète comme la Terre, même si en fait la Terre s'est sans doute fabriquée par beaucoup plus de collisions avec beaucoup plus d'objets de taille plus variable. Mmh. Donc on a à la fois ces processus au tout début qui donnent l'architecture et la composition du disque, et ensuite on a tout ce que Jean-Pierre décrit qui s'est forgé par la migration des planètes géantes, qui a un effet. Alors le Grand AC est un exemple qui est fantastique, mais il y en a d'autres qui sont possibles, c'est juste un exemple possible. Par exemple, donnez-nous un aperçu d'autres exemples. Non, mais il y a beaucoup d'articles qui sont publiés où la migration peut être différente. On peut avoir d'autres types de migrations qui peuvent expliquer ce que l'on voit. Il y a d'autres manières de faire. Alors, ça rentre dans le détail des calculs, mais par exemple, le Grand AC est le résultat d'un type de simulation. Avec la même physique qui produit le Grand AC, on peut fabriquer plein d'autres types de simulations qui ne donnent pas forcément le résultat actuel. Mais donc, ça donne un peu, c'est toute la difficulté, on tourne autour depuis le début de l'émission, de reconstituer l'origine du système solaire, puisqu'on est dans un système où on ne peut pas partir de l'état actuel et revenir en arrière, même si on connaît la physique et les processus. Comme à chaque fois, on a beaucoup de possibilités, on ne peut pas partir d'aujourd'hui et revenir dans le passé. Donc il faut, c'est toute la difficulté. Mais donc la diversité actuelle du système solaire résulte en fait de la somme de processus très, très primitifs et de processus qui se sont déroulés, qui sont très différents, qui se sont déroulés bien après, dont la migration des planètes géantes a eu un effet énorme. Oui. Jean-Pierre Biebring, vous vouliez poursuivre votre histoire et notamment la question, on l'a dit à l'instant, du grand bombardement tardif, c'est-à-dire que une fois que les planètes sont à peu près revenues à l'endroit où elles sont aujourd'hui, l'évolution continue, hein, l'évolution sur le plan orbital continue, la résonance entre Saturne et Jupiter va s'interrompre, tout ça va créer un certain nombre de conditions qui vont conduire à ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, c'est-à-dire le bombardement. Vraisemblablement, ça encore ça évolue beaucoup, je pense, c'est-à-dire que Jupiter et Saturne étaient bloqués dans cette résonance, elles sont migrées vers l'extérieur, mais elles rentrent à ce moment-là dans un environnement avec d'autres planètes géantes qui ont pu extraire éventuellement Saturne de sa résonance avec Jupiter. Et c'est cette extraction qui aurait pu, à ce moment-là, c'est ce que l'on pense, entraîner la chute vers l'intérieur d'énormes quantités d'objets à l'extérieur qui auraient fait le grand bombardement. C'est une des possibilités. Mais avant même tout ça, peut-être, moi ce qui m'intéresse, c'est en particulier l'histoire de l'eau sur Terre avec à nouveau ce que Rosetta et Philae ont montré par rapport à la matière cométaire. Il faut peut-être rappeler que l'eau, qu'on en avait beaucoup d'espoir, ouais, hein, quand on a envoyé Rosetta et Philae, de trouver une composition, un isotope de l'eau, le rapport hydrogène-deutérium, qui soit le même que sur Terre. Or, on a montré que manifestement, ça n'est pas le même rapport. Non, en l'occurrence, je suis pas du tout d'accord avec cela, mais là, pour le coup, ce sera peut-être une autre émission. je ne sais pas, quand vous dites on avait l'espoir que... Non, personne n'avait cet espoir-là. C'est une reconstitution a posteriori. L'eau sur Terre ne provient pas d'un objet, provient d'un mélange d'objets. Et probablement, si on croit au grand tac, c'est pendant la création elle-même que beaucoup de grains de l'extérieur sont venus se mélanger avec les grains de l'intérieur, les planétésimaux dont on parle, et ont conduit à fabriquer cet objet-là. Si on prend l'un d'entre eux de ces objets-là, on n'a aucune raison de tomber sur la moyenne que représente l'eau de nos océans. Nos océans, ils représentent la moyenne de toutes ces accrétions qui sont arrivées. Or, il se trouve que ce à quoi vous faites allusion, je ne vais pas rester longtemps, parce que ça ne me paraît pas le plus important, mais je vais quand même dire un mot, puisque on reste maintenant toujours avec cette idée que Rosetta a montré que l'eau ne vient pas des comètes, ce qui pour moi est une absurdité. L'eau, évidemment, vient des comètes. Mais il se trouve que les comètes, ce sont des objets formés, pas en un même point, mais à différentes distances du Soleil, entre 10 et 30, typiquement, ou 40 unités astronomiques. À des endroits, ils étaient très froids, typiquement quelques degrés Kelvin, de 10, 20, 30 degrés Kelvin. Et il se trouve qu'en fonction de cette température-là, à 1 ou 2 degrés près, le rapport entre l'hydrogène et le deutérium varie énormément dans la manière de constituer les rapports, en particulier H2O sur HDO. Et toute la chimie dépend énormément de cette température. Si bien que si vous avez un objet formé à 10 UA et un rapport formé à 20 ou à 30, vous allez avoir des rapports d'essurage considérablement différents. Ce que nous disent l'observation à la fois la comète qu'on a observée, Churyumov-Gerasimenko, et nos océans, c'est que nos océans proviennent d'un grand ensemble de comètes, dont elle est un des prototypes, formé plutôt loin, entre 25 et 30 UA, mais qu'elle ne suffit pas. Si on avait trouvé une comète qui avait exactement le même rapport isotopique, je dirais la même chose. C'est le hasard absolu qui fait qu'on soit tombé sur quelque chose qui représente la moyenne. D'accord. Non, notre eau provient de la moyenne de ça. Mais c'est là que je trouve qu'il y a une autre chose qui est importante, à peu près au même titre que la migration. L'eau s'accrète à l'intérieur et l'objet grossit jusqu'à la taille de la Terre. Ça fait pas des océans. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des océans? Il faut à un moment donné un processus qui ramène toute cette eau à la surface, 3000 mètres équivalent de nos océans. Comment ça s'est fait? Je suis pas le seul, mais beaucoup de gens travaillent là-dessus. Moi, ma vision est la suivante, je vais vous dire, c'est peut-être pas le but de cette émission de rapporter mais c'est passionnant, moi je vous écoute avec grand plaisir. Des visions subjectives, mais c'est contraire. Voilà. Il faut un événement qui ramène cette eau de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, cet événement, c'est cette fameuse impact géant. On est à peu près convaincu qu'à la fin de cette phase d'accrétion, il y avait dans le système interne quelques dizaines de proto-étoiles, de proto-planètes. De proto-planètes type Mars. Une cinquantaine peut-être, qui se sont très violemment choquées les unes des autres. Et quand les chocs étaient frontaux, les deux ont disparu. C'est pour ça qu'il y a très peu de planètes finalement. On est à peu près convaincu que la Terre a reçu ces chocs, et vous savez que ça provient directement des modèles qu'il a fallu construire pour expliquer l'origine de la Lune elle-même, et on le sait depuis le milieu des années 70 maintenant. C'est rigolo de rappeler quand même que quand les missions Apollo sont parties, et Luna, il y avait trois modèles de formation de la Lune, et quand on a rapporté les échantillons, on s'est aperçu qu'aucun d'entre eux ne collait avec l'observation. Comme quoi, chaque fois qu'on fait une observation, ça ouvre beaucoup de choses. Et donc, il y a eu probablement, dans le cas de la Terre, un choc avec un objet de grande dimension, probablement plus gros que Mars aujourd'hui. La géométrie du choc a été fondamentale. Exactement comme tout à l'heure, la dynamique particulière de la migration a été fondamentale. Si le choc a été frontal, probablement on ne serait pas là, on aurait disparu. Si le choc a été rasant, on ne serait pas là non plus parce que le matériau éjecté n'aurait pas formé ce disque circumterrestre à partir duquel la Lune s'est formée et qui était tellement importante pour l'évolution de la Terre. Il y a une géométrie très particulière. La première chose qu'elle a faite, c'est un énorme magma. La Terre est montée à plusieurs milliers de degrés. Et l'intuition ou le réflexe est de dire quand il y a un magma, ça chasse l'eau. En fait, c'est le contraire qui se passe. L'eau adore le magma. Le magma est resté dedans. Mais quand le magma s'est refroidi, ça a forcé par contraction, une partie de l'eau arrivait en surface. Et il se trouve qu'alors, à cause ou grâce à cet impact, la pression atmosphérique était telle à la surface que l'eau se retrouvait dans un état où elle était stable à l'état liquide, au-dessus du point triple, comme on dit en physique, et en dessous du point critique. Chose qui n'était pas du tout évidente. C'est comme ça qu'on réalise que nos océans se sont formés à ce moment-là. Il n'y a aucune raison de penser que nos océans sont formés plus tard. Donc nos océans, probablement, sont là depuis 4,3-4,4 milliards d'années. Et on a pu montrer que même le grand bombardement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure n'a viré que peut-être 15 ou 20% de cet océan. Donc nos océans sont pérennes depuis ce moment-là. Mais toute l'eau n'est pas montée dans les océans. Une partie de l'eau est restée dans ce qui est devenu le manteau supérieur. Et comme vous le savez, et Marc le sait mieux que moi, la viscosité du matériau qui a été fondamentale pour entraîner une tectonique des plaques très particulière, qui est la nôtre, celle sur Terre, elle est aussi fonction de ce degré d'hydratation. Bref, cet impact a été fondamental. Et pour moi, je le mets toujours en comparaison avec la migration. Les impacts sont aussi génériques, tout le monde s'est fracassé les uns sur les autres. Mais les impacts, à chaque fois, peuvent prendre une forme particulière. La géométrie, le rapport de masse, etc., de la composition de l'impacteur par rapport à nous, ont été tellement suffisamment particuliers pour entraîner une évolution très particulière de la Terre qui a conduit à l'apparition des océans. Et bien sûr, l'étape suivante, c'est qu'une fois qu'il y a eu ces océans, qui avaient une température donnée, un pH donné avec des cations possibles, etc., sont tombés des objets équivalents à ceux qu'on a trouvés dans la comète. Et comme le temps passe, je vais le dire d'une minute simplement, ce qu'on a montré avec Philae et Rosetta, et qui me paraît tout à fait fondamental, c'est qu'il y a une chimie qui s'est opérée pendant l'effondrement de la nébuleuse, incroyablement spécifique. Tous les ingrédients sont là. Vous savez, la notion de vivant, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui dans plein de laboratoires, c'est la synthèse de molécules particulières. Je pense que c'est faux. Il n'y a pas de principe de vie, il n'y a pas de molécules particulières. Les molécules sont déjà là. Le vivant, c'est un processus par lequel des structures très particulières, dans le cas de la Terre, se sont formées. Lorsque, avec cet environnement carboné qui a été fabriqué à un moment particulier de l'effondrement, très particulier à notre nuage, c'est le moment où le soleil s'est allumé que des excès de chiralité, comme on dit, ont pu apparaître et qui sont à l'origine de l'homochiralité qui caractérise notre vivant ici. Tout ça s'est formé dans le nuage primordial. Eh bien, il y a une contingence de la formation de certaines molécules, qui sont des grains en fait, des grains carbonés de plusieurs millimètres qu'on a mis en évidence, dans le nuage primordial, bloqué dans ces noyaux cométaires, qui en plus ont une croûte, comme on l'a vu, c'est pour ça qu'on a rebondi avec Philae, qui a été protectrice pour l'entrée de ces choses-là dans l'atmosphère, et qui sont tombées sur Terre, et je dis bien sur Terre, dans des environnements où il y avait à la fois l'eau, plus tous les ingrédients autres, c'est-à-dire les caractéristiques de l'eau, le pH, les cations, etc., qui ont fait qu'il y a eu des réactions autocatalytiques de sélection, de type darwinien, qui a conduit à ce que sur Terre, on appelle le vivant. Mais de mon point de vue, le vivant est intimement lié à cette double contingence. Et c'est pour ça que rechercher la vie ailleurs n'a pas grand sens. Mais c'est une autre affaire. Marc Chaussidon, un mot pour conclure sur, sur cette théorie, sur cet avis que vient de nous livrer Jean-Pierre Vuering. Sur l'origine de l'eau et du vivant, mais il reste 45 secondes. Donc. Non, mais il a raison. Pour l'origine de l'eau, c'est une possibilité tout à fait sérieuse. Il faut bien avoir en tête qu'il y a 3 à 4 fois plus d'eau à l'intérieur du manteau de la Terre qu'il y en a dans les océans. Et cette eau a été amenée par les objets qui ont fabriqué la Terre. C'est tout à fait possible, effectivement. Et effectivement, le grand bombardement tardif qu'on voit sur la Lune et qui a consisté sur la Terre peut-être à avoir une vingtaine ou une trentaine de cratères de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre et donc des centaines de kilomètres de profondeur. Donc on imagine que ça détruit complètement la surface de la croûte, la surface de la Terre, et ça la retravaille sur des très grandes profondeurs. Ce grand bombardement n'est pas suffisant pour perdre les océans terrestres. C'est une idée qui est un peu contre-intuitive, mais c'est ce qu'on voit. Merci beaucoup à tous les deux. On aura l'occasion de refaire, de reconsacrer une émission complète au grand bombardement, à vous réinviter Jean-Pierre Vuering pour vous laisser plus de temps et d'espace pour parler de ces tout premiers âges de la Terre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Pierre Vuering. Merci beaucoup Marc Chaussidon. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi qu'un certain nombre d'autres émissions qui ont été convoquées, que nous avions faites autour de cette table consacrée bien aux origines de notre système solaire, de la Terre, de l'apparition de l'eau, de la vie sur Terre, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodef. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Sarah Hijman, Céline Lausanne, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, Classer les choses, penser les hommes, par Laetitia Durard et Dora Zénine. Dans un peu plus d'une heure après le journal de 18h, ce sera le grain à moudre. Hervé Gardette demandera aujourd'hui à ses invités si les nouveaux médias ont les moyens de leur indépendance. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, on vous ouvre la caboche pour mettre des bidules dedans. En sérieux, ça veut dire qu'on va parler des implants cérébraux et des progrès thérapeutiques qu'ils permettent. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.